Maintenant, je vais vous donner le passé de wollen, vouloir. À partir de wollen, il vous suffit d'ajouter un T devant la terminaison EN et vous obtenez wollten, wollten. Comment dirait-on par exemple nous voulions? Wir wollten. Wir wollten, oui. Et vous vouliez, en parlant à une personne que vous vous voyez? Sie wollten. Sie wollten. Bien, passons à je voulais. Je voulais se dira ich. Ich wollte. Ich wollte, tout à fait. Et il au singulier voulait? Er wollte. Er wollte. Bien. Et maintenant, comment direz-vous « il voulait l'acheter car il voulait l'avoir » ? Er wollte es kaufen. Car il voulait l'avoir ? Denn er wollte es haben. Haben. Haben. Bien. Il voulait l'acheter. Er wollte es kaufen. Car il voulait l'avoir. Denn er wollte es haben. Ou parce que. Weil. Parce qu'il voulait l'avoir. Weil er es haben wollte. Weil er es haben wollte. Comment diriez-vous je ne voulais pas rester ici? Soit en allemand, je ne voulais pas ici rester. Ich wollte nicht hier bleiben. Bien. Ich wollte nicht hier bleiben. Il y a un autre verbe portemanteau dont je voudrais vous parler. C'est sollen. Sollen. S-O-2-L-E-N. Sollen qui indique un conseil, une invitation à faire quelque chose. Sollen qui signifie donc devoir, mais sans réelle obligation, par opposition à müssen, dont l'ordre est beaucoup plus fort et contraignant. Par exemple, comment diriez-vous, en employant sollen, nous devons rester ici? Avec sollen, wir sollen hier bleiben. Wir sollen hier bleiben. Maintenant, pour inciter quelqu'un à vous dire quelque chose, comment diriez-vous, vous devez me le dire? Ici, il s'agit d'une invitation et non d'un devoir absolu. Alors, vous devez me le dire. Sie sollen es mir sagen. Bien. Sie sollen es mir sagen. On a donc sollen pour nous, pour le vous de politesse et pour il ou elle au pluriel. Mais pour je, c'est soll. Et il en va de même pour il ou elle au singulier et ça. Comment dira-t-on cela doit être prêt? Es soll fertig sein. Bien. Es soll fertig sein. Encore une fois. Es soll fertig sein. Es soll a plusieurs sens en allemand. Il exprime ça doit, mais aussi ce qui est supposé être. Sollte et sollten sont les formes de sollen au passé. Elles permettent aussi d'exprimer ce qui devrait être, ce qui était supposé être. Ainsi, er sollte auf mich warten peut vouloir dire « il devrait m'attendre », mais aussi « il était censé m'attendre », comme dans « er sollte auf mich warten, aber er konnte nicht warten », mais il ne pouvait pas attendre, « konnte ». Il y a aussi un autre verbe portemanteau qui est « dürfen ».« Dürfen », c'est avoir la permission, le droit, l'autorisation de faire quelque chose. « Dürfen ».« Dürfen » pour « wir dürfen et sie dürfen, mais darf pour je, il, elle, on, ça. Darf, comme dans ich darf, er darf, man darf. Man darf nicht a le sens de on n'a pas le droit de, interdiction de. Par exemple, hier darf man nicht rauchen, on n'a pas le droit de fumer ici. C'est l'équivalent du panneau rauchen verboten. Interdiction de fumer. Donc, dürfen avec nicht signale une interdiction. Sans nicht, c'est l'inverse. Dürfen exprime l'autorisation. Darf ich es sehen? Puis-je le voir? C'est-à-dire, ai-je le droit de le voir? Darf ich es sehen? Darf ich es anprobieren? C'est ce que vous diriez dans un magasin. Est-ce que je peux l'essayer? Probieren, c'est essayer. Et anprobieren, c'est essayer quelque chose, un vêtement, dans un magasin. Darf ich es anprobieren? Donc, avec darf ich, on demande une autorisation, la permission de faire quelque chose. Darf ich? Bien évidemment, vous pouvez aussi poser la question kann ich? Est-ce que je peux? Mais avec darf ich, vous demandez plus précisément que l'on vous accorde une autorisation.